d'autres nations chapeautées par l'intelligence dans le passé ont dégradé. Qu'en est-il de l'avenir du Québec? Hey, le Québec aussi, il va finir par se dégrader. Il va monter très très haut, il va monter très très très très haut, il va se tenir un grand bout de temps en haut, en haut, en haut, puis à un moment donné, on n'aura plus besoin du Québec. Est-ce qu'on aura encore besoin des Québécois? Il n'y aura plus de Québécois quand on n'aura plus besoin du Québec. Qu'est-ce qui va disparaître en premier, les Québécois, le Québec? Le Québécois. Pour la simple raison que le Québécois, c'est une entité nationale qui fait partie des limitations territoriales de la psychologie des nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Québécois est un être humain qui, présentement, devra se considérer comme étant un être Québécois uniquement pour arriver à délimiter une particularité individuelle à travers lui, ou, disons, qui va le concerner lui pour le séparer du reste du monde. Et lorsque le Québécois sera devenu un être suffisamment puissant pour être un être nouveau, pas nécessairement, il n'aura plus besoin de préserver autour de lui une limite territoriale au niveau de sa psychologie émotive pour le conserver dans son identité propre. Quand le Québécois sera rendu suffisamment nouveau pour être capable d'être totalement centré dans son intelligence, il n'aura plus besoin de se faire appeler le Québécois. Il sera planétaire? Il sera planétaire, donc il n'y aura plus de Québécois à un moment donné. Quand il n'y aura plus de Québécois, il n'y aura plus de Québec. Ce ne sera pas une décadence comme les autres empires les ont connus. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, il n'y aura plus de Québec, il n'y aura plus de Québécois non plus, pour la simple raison qu'il y aura de plus en plus un élitisme planétaire qui va avoir tendance à s'expandre partout, à se répandre à l'échelle de la planète pour être capable de faire ce qui devra être fait. Ce dont parle Bush, et puis disons principalement Bush, le président des États-Unis, le président de la France et le président d'Angleterre, ces trois-là parlent beaucoup d'ordre global et puis de au niveau militaire ou au niveau... Mais on sait que les États-Unis d'Amérique vont être l'aigle qui va protéger l'agneau. Et le Québec, c'est l'agneau. Puis dans les temps à venir, les États-Unis d'Amérique seront le peuple qui... Là, ils ont fait une petite pratique dans le coin du Koweït. Ils ont été s'entraîner. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de vraie guerre. Ils ont fait une vraie guerre. Ils l'ont gagné, et ils l'ont gagné d'une façon plus propre que ce que l'on s'attend normalement. C'est évident qu'une guerre, c'est toujours avec des morts. Mais n'empêche que le peuple américain... Même les Koweïtiens étaient ravis de se faire prisonnier. Alors, ils se sont entraînés et c'est le peuple qui aura, dans les années à venir, à défendre l'intelligence du Québec, militairement probablement. Vous dites que le Québec se séparera du Canada pour former une grande nation. Nous rattacherons-nous aux États-Unis pour former cette grande nation? Bon, les États-Unis d'Amérique vont tout faire, effectivement, pour que le Québec s'y rattache. Probablement que le Québec va être suffisamment attaché aux États-Unis. Le Québec va devoir s'attacher aux États-Unis tant que les États-Unis n'auront pas convenu d'une façon inconsciente, un peu consciente, tant que les Américains n'auront pas convenu de protéger à tout prix le Québec contre n'importe quelle agression. Alors, ce qui fait que si les Américains, par exemple, signeraient un pacte militaire directement avec le Québec 2 jours après la séparation, le Québec n'aurait jamais à se recoller aux États-Unis. Le Québec devra aller minoucher un petit peu leurs voisins américains jusqu'à temps que finalement les États-Unis d'Amérique puissent comprendre qu'ils ont un intérêt marqué et majeur à protéger le Québec, à empêcher le Québec d'appartenir à d'autres nations. Parce que si on se séparait demain matin, le Québec devenait un pays, il n'y a pas d'armée québécoise comme telle? Bon, il n'y a pas d'armée canadienne. On n'aurait pas besoin. On aurait 3 ou 4 Mohawks avec 3 ou 4... Mais, vois-tu... on n'aura pas besoin d'armée non plus. La Sûreté du Québec. Placez-vous bien. C'est vrai, il nous faudrait une armée. Vu qu'on a la Sûreté du Québec, il nous faudrait une armée. Effectivement, pour nous protéger de la Sûreté. Non, on n'aura pas besoin d'armée. Le Québec, ils vont aussi. Quand ils vont se séparer, ils vont vouloir en faire une parce que c'est des mécaniques traditionnelles. Et un pays sans armée, ça a l'air con. Ça a l'air Costa Rica. Mais non, il n'y aura pas d'armée au Québec. 6 millions de soldats, c'est une petite armée. Population complète du Québec avec les enfants. On n'aura pas d'armée. Vous dites qu'il faut se déniaiser. Mais je ne comprends pas pourquoi les antennes mâles et les antennes femmes lesquelles vous ne semblez pas reconnaître, pourquoi ne s'acceptent-elles pas entre elles? Bon, une chose qui est extrêmement importante, c'est que présentement, au niveau des structures astrales, dans le contexte planétaire, il y a 2 antennes supramentales collectives, publiques. Et il y a des personnes, effectivement, qui ont tendance à vouloir se reconnaître comme étant des antennes actuellement, et ces personnes-là ne font pas partie du processus La mémoire de l'humain, la mémoire de l'intelligence, qui fait que l'humain est manipulable et manipulé, s'exprime en lecture par les voies thalamiennes, puis en écriture, donc en contrôle du corps, en expression dans la vie par les voies hypothalamiennes. Et l'hypothalamus est intimement relié à la glande hypophyse, qui est la chef d'orchestre du système endocrinien. Et c'est par le système endocrinien que l'astral s'exprime totalement et complètement dans le corps physique par la voie émotive. Quand la personne menphise, le mental prend de plus en plus le contrôle du corps physique, et le mental va prendre le contrôle de deux façons. Il va assujettir le thalamus de façon à ce que quand je vois un arbre, je puisse dire « je vois un arbre ». Étant donné que présentement, l'information oculaire, tactile, gustative, olfactive, etc., se rend au thalamus avant d'arriver au cortex, l'astral colore dans le thalamus la vision, et au lieu de dire « je vois un arbre », je dis « je vois un bel arbre » ou « je vois un arbre laid ». Donc, colore. Lentement, le mental va finir par assujettir le thalamus pour que l'humain dise « je vois un arbre ». Mais dans certaines, dépendamment des corps physiques et de l'incidence du mental sur le corps physique, comme dans le cas de la personne ici, c'est que le mental travaille présentement à assujettir les voies hypothalamiennes pour que la personne, progressivement, pour que le mental puisse finir par prendre contrôle des voies d'écriture dans le corps physique de la structure astrale, de la structure psychologique. Donc, progressivement, la personne, lorsqu'on fait « bouh », mais elle aura moins peur. Le corps réagira moins parce que le mental contrôle la voie hypothalamienne qui permettait à l'astral de s'exprimer. Ce qui arrive présentement dans la tête de l'individu, c'est que la glande hypophyse a des réactions particulières au niveau énergétique et électrochimique. Et il y a une petite lutte entre l'ego et le mental. Puis il y a un travail donc très intéressant qui est en train de s'opérer là. Il me semble d'aller voir mon docteur, puis il dit « j'ai une petite pression ici », puis qu'il m'explique ça comme tu viens d'expliquer. Je sortirais, j'irais m'acheter des aspirines. Non, étant après, je crierais, puis je n'oserais même pas avec toi. Existait-il un rapport entre la face cachée de la Lune et le triangle des Bermudes? Oui, dans les deux cas, c'est mystérieux. Le triangle des Bermudes, c'est un endroit intéressant qui est présentement migré et qui est rendu dans le coin du Cap Hatteras. Et sur la côte est des États-Unis d'Amérique, il n'y a plus grand-chose dans le triangle des Bermudes. Il s'est passé plein de choses et ça migre. Ce sont des endroits particuliers, des portes temporelles qui migrent. Et ça va redescendre à un moment donné un peu comme le pôle Nord se promène. Ça se promène comme ça. Il y a plusieurs triangles du diable sur le plan planétaire. Le triangle des Bermudes est celui qui est le plus connu parce qu'il est près de nous autres. Puis c'est près des Américains. Puis quand c'est Américain, tout le monde connaît ça. La face cachée de la Lune, elle a été dans les origines de la création, de l'apparition de l'humanité, une base extraterrestre qui permettait à des mécaniques, des extraterrestres qu'on appelle les Elohim. Ce sont des entités extraterrestres qui ont comme fonction cosmique de prendre des génétiques et de les transporter d'un monde à un autre monde. Alors, ils sont venus placer des génétiques sur le plan planétaire. Ils avaient été devancés un peu avant par d'autres extraterrestres qui sont venus placer sur le plan planétaire ici, qui sont servis, sont venus chercher qui se cherchaient une prison cosmique, et puis ils sont venus mettre des prisonniers sur le plan planétaire. Et ces prisonniers-là ont été surveillés longtemps par des mécaniques géoviques. Et les mécaniques géoviques se sont mêlées à un moment donné à l'ascension humaine, disons, dans sa phase d'évolution évolutive, et ils ont placé les lois. Les lois, ce sont des lois de gardiennage. C'est les mécaniques géoviques, ce qu'on connaît aussi le nom de Jéhovah, qui vont implanter la loi. Et les mécaniques géoviques, par la suite, vont implanter l'émotivité, la capacité qu'aura l'humain d'aimer émotivement et d'aimer mémoriellement. Alors, la face cachée de la Lune, le triangle des Bermudes, il n'y a pas de rapport directement. Le triangle des Bermudes est un endroit particulier qui nous permet, de temps en temps, l'énergie du triangle des Bermudes, parce que maintenant, ce n'est plus dans le triangle des Bermudes, ça permet à certains phénomènes matériels de se ramasser dans un autre temps, qui est normalement le passé. Mais ça peut arriver que c'est dans l'avenir, ça dépend encore du travail qui est fait. Alors que sur la face cachée de la Lune, bien, c'est Santa Claus qui vit là. Qui est le grand monarque? Ah, j'ai failli le dire. Un jour, quand on se posera la question comme il faut, je répondrai. Le grand monarque, c'est ça. Qui est le grand monarque? En tant que personnage, on n'en parle pas pour l'instant parce qu'il y a trop de mécaniques astrales qui sont intéressées à savoir c'est qui. Et en plus, ce n'est pas le temps que... Ce n'est pas le temps qu'il le sache. C'est ça. Daniel, je suis présentement en situation de couple. La situation est souvent très pénible car je me sens souvent privé de ma liberté, de ma spontanéité et de ma créativité. Pourtant, je n'aime pas émotivement et ne me considère pas dépendamment affectif. Y a-t-il intérêt à utiliser cette situation pour m'anégoïser ou bien est-ce que je ne m'enlise pas davantage dans un sable mouvant? Bon, Encore une fois, je vais répondre d'une façon qui est juste et qui est frustrante. Pourtant, je n'aime pas émotivement. Vous aimez probablement émotivement. C'est très facile à vérifier, faciolatiquement parlant. Et ne me considère pas dépendant affectivement, mais la personne est probablement dépendante affectivement. Maintenant, je répète encore une fois une chose que souvent qui n'est pas compris chez les personnes qui se conscientisent, c'est que dans notre tête, ça devient extrêmement clair, puis on peut pas faire plus. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'ego, au niveau des mémoires, au niveau de l'astral, ça n'a rien compris là-dedans. Alors quand je dis, une personne me dit souvent, moi là, c'est clair, clair, clair, je veux faire ceci. Puis moi, je peux lui dire, tu veux faire cela, mais tu réussiras jamais. Pourquoi? Parce que ton ego veut pas. Comment ça, mon ego veut pas? Ah oui, je veux! Oui, dans ta tête, c'est clair. Puis quand on vérifie avec différentes mécaniques, là, on peut instruire l'individu que non, il veut pas. Non seulement il veut pas, mais en plus, il veut l'inverse. Alors, la personne, elle est là à travailler sur elle. La personne ici, elle a encore à travailler sur elle. Même pas au niveau du couple, elle a travaillé simplement sur elle pour aller chercher des choses. Parce que je ne dis pas pour ce que je devrais dire, enfin, ce que je ne veux pas que je dise, pour la simple raison que si je le dis, la personne, elle va décider de faire certaines. Elle va dire, ah oui, ah, c'est ça, il faudrait que je fasse. Ah bon, c'est ça que je fais. Mais non, on ne fait pas ça parce que Daniel Kemp a dit ça pour jouer le rôle de la personne qui n'aime pas émotivement. La personne qui est dans cette situation-là, ici, c'est une personne qui aime nécessairement émotivement. Y a-t-il intérêt à utiliser cette situation pour m'en égoïser? En passant, s'en égoïser, ça veut dire la fonte de l'ego. Mais on ne s'en égoïse pas en souffrant. On s'en égoïse en conscientisant la souffrance. On ne s'en égoïse pas en vivant des frustrations. On s'en égoïse, parce que ça, c'est de l'égoïsation. On s'en égoïse lorsque on se rend compte que ça ne nous dérange pas de vivre des événements. Bon, alors, vous avez une crevaison sur votre automobile, et maudit, et là, on m'en égoïse en tabarnouche, là. Non, là, vous vous égoïsez. Ça, on se sert à des mots. La personne qui sort, qui dit ça, ben, c'est une crevaison, ah ben, c'est comme ça. T'sais, avant, j'aurais chialé, mais là, je chiale pas. Ça, c'est de l'anégoïsation. L'ego fond. La vie devient plus facile. Après ça, elle n'aura plus de crevaison. C'est l'auto, ben, ouais. Bon. Puis, à un moment donné, ben, l'auto n'aura plus non plus. T'sais, les roues non plus, puis ça, c'est correct. Alors, est-ce que j'aurais intérêt à utiliser cette situation? On me demande un conseil. Je ne donne pas de conseil. Je peux confirmer, je peux informer, mais je ne conseille pas. La personne est là à faire ce qu'elle va faire. De toute façon, elle va faire ce qu'il faut faire. L'iris est à l'origine du lys du drapeau québécois. Pourquoi l'œil s'est-il transformé en fleur? Bon, premièrement, ce qu'on doit savoir, c'est que... Bon. C'est sûr que c'est un terme particulier, mais l'intelligence s'exprime à travers ce que l'humain appelle la lumière. Vous avez tout compris le rapport entre l'iris, c'est pas, puis l'intelligence, puis... Hein? Voilà. On pense à l'autre question? Ah oui, les c'est la même en anglais. sauf qu'ici, la nuance, c'est que... Pourquoi ça a été transformé en iris sur le drapeau et non pas dans l'église? Parce que l'église est extrêmement... En plus, c'est vrai, c'est l'iris versicolore qu'on se sert comme sur le drapeau. L'Église est extrêmement traditionnaliste et l'Église est là pour conserver des clés qu'elle ne... L'Église est là pour préserver... Non, l'Église est là pour cacher un trésor, l'Église est là pour protéger un trésor, mais l'Église n'a pas les clés pour ouvrir le coffre du trésor, l'Église ne connaît pas le trésor, mais l'Église, elle est là pour le protéger. Et de ce fait, l'Église n'a pas toutes les qualités nécessaires pour être capable de reconnaître l'envergure des mécaniques nouvelles. L'Église est une mécanique traditionnelle qui garde. Et lorsque la chose qu'elle garde va suffisamment s'épanouir, elle fera éclater l'Église. Et c'est pourquoi, au niveau de l'Église, l'Église ne peut pas être d'une façon contemporaine, l'Église ne peut pas d'une façon contemporaine exprimer son ésotérisme. Et nécessairement, ça ne peut pas apparaître dans l'Église. L'Église va rester au niveau de la croix qu'on retrouvera sur le drapeau. L'Église va conserver des systèmes traditionnels, des mécaniques qui ne peuvent pas faire partie des expressions contemporaines du retour du Christ. L'Église, tout ce que l'Église peut faire, c'est de parler qu'un jour il y aura le retour du Christ et de tout faire pour vous dire que c'est pas aujourd'hui. Est-ce que les pressions que subissent des entreprises comme Hydro-Québec et dernièrement Soligaz ne sont pas significatives de quelque chose? Oui, elles sont significatives d'un malaise profond. qui se vit au sein du peuple québécois. C'est un malaise. Si on étudie toute la mécanique au complet, ça serait long énormément, mais on a qu'à étudier simplement de quelle façon l'hydroélectricité, de quelle façon l'énergie électrique est régie au Québec pour se rendre compte de quelle façon l'énergie supramentale est régie au Québec. Et il y a beaucoup d'améliorations à faire. Le drapeau du Québec vient d'être planté au sommet de l'Everest, de surcroît par un dénommé La Forêt. Est-ce que ce geste symbolique aura des répercussions sur le psychique québécois? Non. Si oui, expliquez. Mais c'est pas... Non. Non. Non, pourquoi? S'il avait planté le drapeau canadien, ça les aurait gelé un bout de temps. Non, pourquoi? Uniquement parce que le sommet de l'Everest, c'est un endroit qui est égrégorement trop pillé aujourd'hui. C'est un endroit... Si on aurait planté le drapeau québécois sur la Lune, comme les Américains l'ont fait, les Américains, eux, ils ont planté le drapeau américain sur la Lune. C'est le seul peuple qui a son drapeau planté de main d'homme sur la Lune. Mais seulement Everest, on a toujours aussi quelques drapeaux, tu sais, pour le planter le drapeau québécois. Alors, ça n'a pas la même envergure énergétique, c'est intéressant, mais ce n'est pas la même chose. Ça n'aura pas de répercussions d'une façon évrestique sur la conscience du Québec. Justement, il flotte. Aller planter le drapeau québécois au Parlement à Ottawa, ça serait peut-être plus symbolique. Bon, là, ça serait symbolique, mais il y en a un qui a déjà essayé ça. Là. Mais comment il flotte, comment il bat au vent sur la Lune, le drapeau américain? Non. Ben, il n'y a pas de vent là. Non, mais c'est mieux de mettre un drapeau qui est toujours... Ils l'ont repassé avec du... Comment on avait ça, là? L'emploi, oui. Non, non. Ils ont mis une tige de métal comme ça, puis ils l'ont attaché l'autre bout. C'est tout. Ah, oui, oui. Brillants, Américains. En dépit de la langue. Oui, ça serait vraiment pas même. Juste un drapeau qui prend, voilà. En dépit de la langue, est-ce possible que les Québécois viennent à créer des films ou des émissions de télévision qui auront un impact mondial? C'est ce que les Québécois vont faire, mais les Québécois ne feront pas tout. Comme tout à l'heure, j'expliquais, et encore une fois, c'est le charisme québécois qui va apparaître. C'est l'idée même du... Si on prend un exemple particulier, pour vous donner une idée un peu de l'envergure... Il y a un Montréalais qui a communiqué de l'énergie particulière à l'échelle de la planète dans une série télévisée qui porte le nom de Patrouille du Cosmos. Et c'est l'acteur qui fait le capitaine James T. Kirk. C'est un Montréalais, c'est un Québécois. Bon, Franck Schaffner. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est que progressivement, à travers simplement à travers... À Hollywood, présentement, il y a énormément de Québécois qui travaillent là, qui manipulent les films avec Steven Spielberg. Les gens ne savent pas tout. Quand on a une cassette, c'est écrit René Malo là-dessus. Là. C'est qui René Malo? Les gens ne connaissent pas ça, tu sais. René Malo, c'est une cassette en mono, c'est pas stéréo, tu sais. C'est ça, René Malo. c'est d'autres choses. Il y a énormément, présentement, il y a une organisation... Les Québécois sont déjà extrêmement implantés à Hollywood au niveau des structurations de films. Et c'est de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on ne produira pas nécessairement... On a commencé à produire des films extrêmement intéressants ici au Québec avec, par exemple, la série Compte pour tous, où, à l'intérieur de ça, on découvre des films extrêmement intéressants, des films de Québécois, puis il y en a eu plusieurs autres. Hein. Si on regarde de La guerre du feu, qui est produit, bon, Denis Héroux l'a produit en coproduction avec d'autres, mais quand on empêche qu'on parle encore une fois de Québécois. Alors, ce qui va arriver surtout, c'est qu'on va se servir de l'énergie de certains Québécois, et ça va colorer la philosophie cinématographique ou d'écrivain, ou la philosophie de mise en marché de différentes choses. Et c'est surtout de cette façon-là, encore une fois, que le Québécois va s'expandre. Autrement dit, on va avoir, mais on n'aura pas énormément de super producteurs comme Lucas ou comme Spielberg qui vont être des Québécois, tu sais, La Forêt, Tremblay, bon. Par contre, il y aura effectivement énormément de pénétration de la conscience nouvelle par le peuple québécois à travers toutes ces choses-là. Le drapeau canadien représente quoi? Le drapeau canadien représente le sang qui coule sur l'inutilité et qui coule au printemps, lorsqu'on vient l'entamer. C'est bien dit. Alors, le rouge, c'est le sang, mais c'est aussi au niveau canadien, le rouge, c'est aussi la gloire, c'est aussi, mais c'est surtout le sang, c'est la guerre, c'est les batailles des patriotes pour parvenir à engendrer, etc. Bon, une nation. Le blanc, c'est la pureté, c'est la simplicité, mais c'est aussi l'inutilité. Et puis, quand je parle de la feuille d'érable, ben, justement, on entaille nos érables à tous les printemps pour ramasser la sève. Le Canada, c'est un peu ça. Le Canada, c'est un pays, présentement, que les nations vont entailler pour aller chercher de l'aide au niveau antimilitaire. Le Canada, c'est l'un des seuls pays qui, même si son drapeau est un drapeau, pour moi, c'est un drapeau carré, c'est un drapeau de matière divisé en trois parties, où on a deux parties rouges qui sont le sang sur le blanc. Et c'est le rare, je crois même que c'est le seul pays dont l'hymne national n'est pas un hymne militaire. Bon, c'est plus chrétien, c'est plus religieux, c'est spirituel. On parle un petit peu de ses exploits, mais c'est à peine au Canada, terre de nos aïeux, crotte de bœuf. Non, c'est, comment je fais ça? Je suis trop coloré avec les jeunes. En tout cas, c'est ça. Il y a un hymne national qui est extrêmement intéressant. Et le drapeau canadien symbolise, de par son nombre de formes, le drapeau canadien symbolise la naissance, la renaissance, on veut dire, la naissance d'un peuple neuf. Le drapeau canadien symbolise la naissance et la communication d'une énergie nutritive, salvatrice, bienfaisante et bonne. C'est ce que le drapeau canadien symbolise. On revient encore à l'érable. L'érable, c'est un arbre qui, lorsque tu as gelé tout l'hiver, mais le printemps, tu peux le breuver à sa sève. C'est bon, c'est nutritif. Il t'en donne. Bon, les samars sont comestibles. Les samars, c'est le fruit de l'érable. Alors, on peut faire de la farine avec ça, on peut bouffer ça. Quand on voit, bon, premièrement, le Canada, c'est le pays le plus appelé dans les problèmes militaires. Lorsque les casques bleus des Nations Unies vont quelque part, c'est le Canada qu'on va demander en premier. Lorsqu'on voit arriver un navire canadien ou des avions canadiens, on a toujours l'impression qu'on se fait sauver un peu plus que par les Américains. On a l'impression qu'on se fait coloniser à place. Ouais, alors, on peut sauver plus gratuitement que par les Plus gratuitement, plus pacifiquement, plus esthétiquement, c'est plus beau, c'est plus... c'est bien. Canada, le drapeau canadien symbolise totalement la renaissance, la naissance d'une race neuve. Mais ce n'est pas... C'est sur le territoire canadien, évidemment, que ça va apparaître, ce bouclier canadien, dont le Québec en fait partie. Puis du point de vue ésotérique, c'est que la clé de la naissance, c'est le Québec. Mais le drapeau canadien est un drapeau extrêmement intéressant. Qui était Jean Duceppe? On rapplique. Je vais en parler un tout petit peu encore, mais ça ne fait pas encore assez longtemps. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que je veux fuir la question, c'est qu'il y a des personnes qui l'ont connu, des personnes qui le connaissent encore, et on ne peut pas parler, révéler immédiatement sur une personne qui est morte, bon, des choses que peut-être même les personnes les plus intimes ne connaissaient pas. C'est une personne qui est morte récemment, hein? Relativement, parce qu'on va parler des personnes mortes. Puis... C'est ça, les personnes qui sont mortes depuis longtemps, c'est pas ça va, ça va. Bon, Jean Duceppe, c'est ça encore une fois, c'est que si je me lance, ça va. Parce que les personnes vont dire, ah oui, mais il y a peut-être personne ici qui le connaît. Non, mais les cassettes, ils se promènent un peu partout, les cassettes. Les cassettes des conférences spéciales, ils sont réservés aux séminaristes, ils se promènent pas trop. Mais les cassettes des conférences régulières, ça va n'importe où. Puis à un moment donné, ça peut créer des problèmes inutiles. Chose certaine, c'est un très bon bonhomme relié affectivement et énergétiquement à la franc-maçonnerie. Parlez bien de René Lévesque. C'est un bonhomme qui a un contact intime avec dans son inconscient. C'est un bonhomme qui réincarne différents scieurs. C'est un bonhomme qui réincarnait des scieurs qui sont venus ici à Montréal, en Canada, pour engendrer une révolte contre l'establishment britannique à l'époque. C'est un personnage qui a réincarné énormément de sieurs, de personnages, de gens-là qui sont venus ici, qui ont marqué d'une façon plus intime l'évolution convenable du peuple français établi ici. C'est un personnage qui, aujourd'hui, dans son vécu présent, était d'un ésotérisme... Il y a des choses que je ne veux pas dire encore. Ça fait que je ne veux pas aller trop loin, mais c'est un personnage qui avait... C'était un grand personnage. Une chose qui est certaine, c'est qu'à l'époque, au Québec, la majorité des réincarnations de grands personnages sont faites chez nos artistes, parce que c'était les artistes, certains journalistes, la majorité des artistes, ce sont les seuls personnages qui ont eu l'écoute suffisamment attentive de la population du Québec, parce que les Québécois ont toujours été un peuple qu'on pouvait amuser. Alors, on écoutait l'Église. Quand on a commencé à cesser d'écouter l'Église, on n'écoutait pas trop les hommes politiques. On écoutait un petit peu les journalistes, comme on fait encore aujourd'hui avec, par exemple, il y a eu Pascoe longtemps, là, il est passé. Le roi Arthur, Mongrain, il n'est plus tiers. On écoute les journalistes comme il faut. Et Trudeau était journaliste. L'évêque était journaliste. Bon, voilà. Alors, la majorité des personnages du passé qui sont importants sont réincarnés dans les artistes, parce que les artistes pouvaient inventer des choses. Québécois, nous sommes Québécois. C'est un artiste qui compose ça. Et si on regarde juste Gilles Vigneault, puis un paquet d'autres, c'est des personnages qui sont plus puissants que les hommes politiques à travers leur communication. Jean Duceppe étant un de ces personnages-là, un sieur. Vous avez mentionné deux pôles, deux antennes d'énergie supramentale. Quels sont-ils? Moi, puis une autre. C'est préférable que vous trouviez qui sont les antennes, parce que si vous êtes capable de les reconnaître, c'est beaucoup plus évident pour vous. Ça va vous permettre de savoir si vous écoutez ou si vous n'écoutez pas. Alors que si on vous instruit de où sont ces sources supramentales, on peut se faire ramasser par son ego puis aller écouter uniquement pour dire que je vais écouter un tel ou une telle. Alors que les individus, c'est à eux de découvrir qui sont ces antennes supramentales. De toute façon, si on veut s'y abreuver uniquement parce que la personne est une antenne, on va s'abreuver d'une façon pénible. Si on s'y abreuve, ça va, parce qu'on est comme ça. On ne peut pas se connecter à une antenne supramentale, disons, à être son allié, son ami ou son complice, si chez soi, on n'a pas déjà de l'intelligence. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'instruire le public, par exemple, de qui sont ces antennes-là. Il y en a une autre, c'est évident. Bon, mais les personnes choisissent. Il y en a plusieurs ici, vous les connaissez les deux. Bon, en sortant ici, parlez-vous un peu, posez votre question, vous allez avoir les réponses. Mais moi, je ne réponds pas. Qu'est-ce que le chape de Saint-Martin? Puis, il y a deux autres personnages qui sont extrêmement importants à travers la descente confirmatrice des énergies de royauté. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une personne est sacrée, ça veut dire qu'on descend chez elle une quantité suffisante d'énergie pour apposer un sceau dans son corps vital, dans sa structure énergétique, de façon à ce qu'elle soit reconnaissable et reconnue par les mécaniques astrales qui travaillent autour d'elle. Lorsque l'on sacrait un être humain chevalier, c'était par certains saints, dont Saint-Martin, dont Saint-Georges. Et lorsque l'on parle de Saint-Martin, il a un rôle majeur à jouer au niveau de la descente de la couverture énergétique d'un individu ou d'une nation qui est en croissance. Saint-Georges a un rôle majeur à jouer au niveau de l'armement énergétique de l'individu qui est en croissance. Saint-Joseph a un rôle majeur à jouer en ce qui concerne la restructuration des mécaniques corporelles, des mécaniques de santé de l'individu qui est en croissance. Et encore une fois, si on se lance là-dedans, on n'est pas fini ce soir. Mais on va revenir sur cette mécanique de Saint-Martin, de la chevalerie. Pas maintenant, mais... Il n'y a pas un qui s'est déjà appelé Martin Luther King? Oui, bien c'est ça. Ouais. Ben, lui, King, c'est roi. Luther, c'était le père d'Arthur. Puis Martin, c'est Saint-Martin qui vient de le voir. Pas drôle. Pour dire hein, que l'astral cache bien les choses. Oui, mais là, c'était l'intelligence. Dans le cas, les êtres humains... C'est vraiment de l'intelligence, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. C'est ça. Gandhi, pas le dernier. Lui, ici, celui-là, on l'a éliminé, mais c'est d'une façon baptiste, il a perdu la tête. Mais Lui, on l'a éliminé. C'est un morcellement de l'Inde, parce que l'Inde est un pays qui doit se déstabiliser progressivement au cours des temps. Pour engendrer une recrudescence, à un moment donné, de la violence à travers certaines philosophies musulmanes, bon, il faut que l'Inde bouge certaines choses, parce que l'apocalypse va arriver à partir d'un peuple à caractéristiques musulmanes. Donc, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont dangereux, mais ça veut dire que c'est, bon, que le Koweït, ils se sont essayés, et puis, bon, l'islam, etc., mais il y a le peuple sikh, puis il y a des connotations, bon, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer avec l'Inde. Mais le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Thomas Paine, il y a deux Kennedy, Robert, puis John Kennedy, qui était relié de l'intelligence. Robert Kennedy, lui, bon, son frère était intimement relié des mécaniques de drogue, tandis que l'autre essayait de lutter contre. Bon, là, les familles ont été morcelées. Il y a eu d'autres personnages ici même au Québec qui ont été totalement assujettis par de l'intelligence et qui ont accompli des missions qui étaient extrêmement importantes, sauf que chaque fois qu'un être humain est assujetti de l'intelligence, quand je vous parlais d'antenne supramentale à un moment donné, chaque fois que les humains sont assujettis de l'intelligence, s'ils ne sont pas réellement de véritables antennes supramentales et qu'ils commencent à communiquer publiquement certaines choses, ils deviennent des outils supramentaux. Et lorsqu'ils deviennent des outils supramentaux, on les a toujours éliminés d'une façon violente. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, change ton discours, change toi-même ou ferme ta boîte. Puis continue, puis continue, puis continue, puis continue, puis continue. Fait qu'on les élimine. Le Baptiste a fait ça. Gandhi a fait ça. Puis il y a eu plusieurs autres qui ont fait ça. Présentement, les deux antennes supramentales sont des personnages qui sont protégés d'une autre façon. C'est que si, par exemple, quelqu'un attenterait à leur vie, à l'une des deux, non seulement il manquerait son coup, mais en plus, l'individu aurait de sérieux problèmes astraux le restant de ses vies. Et dans l'astral, l'astral était strictement au courant de cette mécanique, et même l'astral qui manipulerait un individu se verrait éclater, dilapidé pour plusieurs années. L'astral, c'est très bien que c'est plusieurs années dans mon langage. Pas plusieurs lunes. Ouais, plusieurs soleils même. Alors que les antennes du passé, comme celles qui ont été assassinées dernièrement, ce sont des antennes qui n'avaient pas suffisamment de contact conscient avec l'ajusteur de pensée. Et c'est pourquoi, avant de se lancer, par exemple, dans une mécanique oratoire publique, c'est bon de faire attention, parce que tu te gruges toi-même ou un jour on va te gruger, à moins que tu sois réellement honnête, transparent, pur, réel, vrai. Ça, c'est risqué. Daniel, parle-nous de nos origines celtes qui sont les mêmes que le roi Arthur. Ça, c'est plus toi qui devrais parler de ça. Pas moi qui l'ai écrit. Non, je sais bien que tu l'as écrit. Premièrement, le peuple québécois réincarne énormément du peuple allemand. Le peuple allemand est un peuple qui réincarne énormément. C'est un peuple qui est d'obédience anglo-saxonne énormément. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Allemagne, à un moment donné, va vouloir s'approprier toute l'épopée de la création de l'Angleterre, c'est-à-dire celle d'Arthur. Évidemment, on va éliminer Arthur, mais on va garder Merlin l'Enchanteur, on va le baptiser d'un autre nom, on va garder Perceval, qu'on va baptiser Percival, et on va garder la quête du Graal au complet, le Graal qui devient une mécanique aryenne, donc nécessairement allemande à l'époque. Nous réincarnons la majorité du peuple allemand. J'ai déjà dit que les Américains réincarnaient le peuple romain. Nous réincarnons, évidemment, la cinquième sous-race de la race mère blanche, la race teutonique anglo-saxonne, c'est la nôtre. Nous réincarnons une partie de l'Europe, c'est évident, à partir des peuples celtiques. Nous réincarnons énormément d'affinités atlantéennes, d'affinités druidiques. Très brièvement, il arrive simplement que dans l'Antiquité, il fallait absolument, à un moment donné, engendrer une solidification d'une nation en développant dans la nation les plus hauts sommets d'une aristocratie. Et pour que cela se fasse, il fallait absolument qu'on fasse une tentative, qu'on essaie de descendre un grand monarque, un petit monarque, on va dire, à l'époque, parce que c'était un essai planétaire, c'est-à-dire qu'on a créé une expérience dans l'astral planétaire pour préparer l'humanité en général plus tard à revivre des situations similaires. Alors, on prépare dans ce temps-là, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un prophète pour annoncer que ça va arriver, on l'a fait évidemment, on a aussi engendré dans la matière des mécaniques qui devraient se répéter dans les années à venir. Donc, l'astral étant traditionnel va plus facilement accepter la venue d'un monarque, alors parce qu'il y a déjà eu quelque part dans la race blanche la venue d'un monarque. Alors, à un moment donné, on va prendre plusieurs terres, des terres qui sont toujours en guerre les unes contre les autres, et on va s'arranger pour prévoir, prophétiser à un moment donné qu'un jour, il y aura seulement un roi et une terre. Donc, l'alliance complète d'une terre, donc de plusieurs terres, sous la régence d'un seul monarque, d'un roi. On va essayer, évidemment, il y a 8 heures qui va s'essayer, qui va se heurter à son ego, à son astral, et progressivement, à un moment donné, on va faire naître, il va y avoir un mélange entre les différentes royautés et Uther, par le biais de Merlin. Encore une fois, il y aura l'enfantement plus ou moins saint-espritique, même s'il y a eu un mélange corporel. Et il va naître un personnage qui sera non pas un fils de menuisier, à l'époque, évidemment, Joseph était relativement riche, mais un personnage qui va naître et qui va être placé dans une famille de paysans bien ordinaire, intéressant. Et de là, encore une fois, c'est toujours de cette façon-là que les prophéties s'accomplissent, jamais comme l'humain s'y en attend. Alors, à un moment donné, l'exemple même de la puissance énergétique tellurique de l'époque, qui est une épée qui porte le nom d'Excalibur, appartenant à Uther. Uther va la planter dans une enclume ou dans une roche, dépendamment des traditions, et on saura que celui qui va retirer l'épée sera celui qui sera déclaré monarque. L'épée symbolise la force tellurique, et la journée qu'un être humain sera capable de libérer le dragon, donc de libérer les forces telluriques planétaires pour s'en servir à bon escient, il sera le grand monarque. Alors, au niveau de l'historicité, à l'époque, évidemment, il y a 2 mondes parallèles qui cohabitent ensemble, celui d'Avalon et celui de l'Angleterre, et ces 2 mondes-là vont cohabiter, ce qui fait qu'il y a plusieurs personnages qui vivent sur l'île d'Avalon et qui peuvent aller en Angleterre, donc on les voit. L'île d'Avalon n'existe plus aujourd'hui dans le contexte planétaire, mais elle a existé. Arthur va donc finalement être celui qui un jour va aller ramasser l'enclume l'épée, Excalibur, et il va devenir il devra être le grand monarque. Et la seule chose qu'il va trouver à dire, c'est une terre, un roi. C'est ce qui va arriver à un moment donné où ça sera une terre, une planète, un roi, un monarque, et ça va se passer au Québec. Arthur va nécessairement entrer en guerre contre d'autres personnalités qui veulent rien savoir. Et par l'intelligence et par la capacité d'humilité, de négociation, il sera capable de se faire sacré chevalier par son ennemi. Alors, à un moment donné, dans l'eau, c'est toujours le symbole du baptême et de l'astral, son ennemi qui se battre ensemble parce qu'il ne veut pas reconnaître Arthur, qui est un fils de paysan comme étant un monarque, va être obligé par la main d'Excalibur de le sacrer au nom, évidemment, de Saint-Georges, de Saint-Martin, etc. Arthur va grandir progressivement et il devra, à un moment donné, rencontrer Lancelot du Lac, qui est un personnage qui a été éduqué sur l'île d'Avalon par les Dames du Lac. Et il y a toute une mécanique là-dedans de perversion à travers un personnage mythique du passé, qui va devenir d'ailleurs Adolf Hitler, qui à l'époque va vouloir absolument servir le Graal. Le Graal est symbolisé dans les plus bas-fonds de l'ésotérisme, quand je parle de bas-fonds, dans l'ésotérisme le plus mystérieux plutôt, par le Fleur de Lys. C'est le Graal, c'est le Fleur de Lys. Parce que c'est une fleur, tu mets de l'eau dedans, c'est quand même que tu peux boire. Le Graal, Adolf Hitler en question, le personnage va vouloir servir le Graal, mais on n'aura pas besoin de chevalier du Graal de plus, puis en plus, le bonhomme n'est pas suffisamment prêt. C'est un sorcier assez puissant, alors il se dit, si je ne peux pas servir le Graal me servira. Et là, il va réussir à posséder la demi-sœur d'Arthur, et il va en faire une personnalité double. Et quand c'est lui qui la réveille, elle deviendra une sorcière assez relativement dangereuse, qui va finir par tarir le Graal d'Arthur. Et quand c'est les chevaliers de la table ronde qui vont la réveiller, elle devient une femme extrêmement correcte. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'à cause de l'ego d'Arthur et parce qu'à un moment donné, la chevalerie de la table ronde, qui avait comme fonction d'engendrer une race neuve et d'unifier, mais en réalité, ils sont là uniquement pour placer dans l'astral une mémorique, des engrammes mémoriels qui vont à un moment donné servir quelque part dans le temps. Et c'est au peuple québécois que ça va servir. D'ailleurs, le trésor des Templiers est ici. On parlait du fleur-de-lys encore au niveau de l'Ordre du Temple. Le Graal est présentement nécessairement implanté au Québec et le rôle de l'Ordre du Temple à l'époque, le rôle du phénomène d'Arthur, c'est d'engendrer une race forte qui sera la race anglo-saxonne, finalement la race britannique. La race britannique est celle qui va aller assir l'Inde pour aller chercher dans l'Inde ce qui est nécessaire au niveau de l'évolution occidentale. Donc, elle va aller ramasser des particularités orientales. D'ailleurs, les Beatles vont venir, ceux qui vont donner le rythme à l'évolution orientaux-occidentale, ce sera les Beatles, qui sont britanniques. Et les Britanniques vont être ceux qui vont coloniser les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs le Canada au complet en général. Et parce qu'il y a toujours eu des alliances méchantes et, manipulées par l'intelligence, mais pas du point de vue de l'humain, entre l'Angleterre et la France, toujours eu des guerres, toujours eu des mariages indécents, etc., et bien nécessairement, on aura une partie de la France qui sera ici, donc la Nouvelle-France, et on aura une partie de l'Angleterre qui sera Nouvelle-Angleterre, et qui va finalement coloniser. Les Britanniques vont faire en sorte que les Britanniques deviennent le peuple conquérant de l'Amérique. Et à un moment donné, nécessairement, ils vont se séparer. Arthur devait engendrer la race anglo-saxonne britannique, capable d'être le leitmotiv, le pacemaker, le compteur cardiaque, le pulseur de ce que sera à un moment donné la Terre nouvelle qui va devenir les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique seront engendrés puissamment par l'ordre britannique de façon à ce que les États-Unis d'Amérique puissent un jour recevoir l'intelligence, d'une façon tampon en attendant que la France, la Nouvelle-France, le Québec se réveille. Et les États-Unis d'Amérique, par la suite, engendrés par, finalement, les descendants d'Arthur, devront préserver le Québec. Et toute la panoplie de tous ceux qui ont vécu à l'époque d'Arthur se réincarnent et sont réincarnés présentement au Québec. Et progressivement sont en train de se retrouver, non pas pour recréer un simulacre de ce qui s'est passé dans le passé. C'est évident que dans leur conscience astralisée, il y aura un moment donné un qui va dire « Tiens, je te reconnais, tu es un tel, puis etc. » Puis on ne s'aimait pas parce que tu pissais dans ton armure et quand il fallait pas, puis etc. Bon, il y a des petits conflits comme ça, il faudrait qu'ils règlent. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tout ce qui s'est passé à cette époque-là va avoir une tendance du point de vue philosophique à se recréer, pas du point de vue matériel, il ne faut pas que ce soit non plus du point de vue émotif. Et le peuple québécois est, à travers évidemment ses lignées génétiques, allemandes, etc., le peuple québécois est en majorité la réincarnation, ce sont des véhicules biologiques qui ont reçu plusieurs réincarnations, dont, entre autres, tous les individus qui ont vécu à l'époque d'Arthur. Ce qui fait que la majorité des Québécois ont tous déjà vécu à l'époque du roi Arthur. Arthur était britannique, Lancelot était français, puis au Québec, parce que c'est encore les deux qui se sont... C'est d'ailleurs, ils sont toujours obstinés, Lancelot et Arthur, pour savoir si c'était bilingue ou unilingue. Hein? Vendredi, le 31 mai, le vendredi prochain, c'est ça, oui, la structure opérationnelle du miracle. On va apprendre comment opérer des miracle marks? Non, on va apprendre de quelle façon le miracle peut être opérationnel, puis de quelle façon le miracle, c'est une chose... Et c'est important dans les structures de conscientisation que les personnes s'habituent de plus en plus aux mécaniques miraculeuses. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y aura des choses qui vont apparaître, qui vont arriver, et que pour les gens, ce sera inexplicable. Et lorsque l'ego reste assujetti à l'idée de l'inexplicabilité des choses, l'ego a toujours peur. Et en plus, lorsque l'ego a peur, l'ego engendre des réponses. L'ego engendre des explications qui font partie de l'illusion. Puis l'illusion, c'est le processus même de l'ignorance et du mensonge. Alors, on parlait de la structure opérationnelle du miracle parce que il faudra apprendre à se servir, justement, de la mécanique miraculeuse. Et il faudra aussi apprendre à la reconnaître pour ne pas en avoir peur. Parce qu'à un moment donné, ce sera l'un des outils les plus efficaces au niveau de la conscientisation. Alors là-dessus, on s'amuse. Une chance qu'il neige pas. Hein. Il fait assez chaud que s'il aurait fallu pelleter, on aurait des problèmes. On aurait été obligé d'enlever nos manteaux parce qu'il y avait trop. Non, il y a une température comme ça. Fait que bonne fin de semaine.